Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Pour les états généraux de la paix ». Alors, c'est l'association républicaine des anciens combattants, mouvement de la paix, comité des Vosges, donc, qui lance un appel. Pour la journée du samedi 22 juin 2019, espace court à Épinal. Et donc c'était déjà relayé, non pas par notre radio locale, mais en particulier au 1er mai à Gérardmer. Ça s'adresse bien sûr aux pacifistes, aux internationalistes, humanistes. La crise climatique s'aggrave, malgré la mobilisation de centaines de milliers de citoyens à travers le monde pour interpeller leur gouvernement. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de nouveau ces trois dernières années, plus 6,7% en 2017 en France, alors que diminue depuis 1990. Le président Trump, lui, s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat, ça on le savait, qui pourtant prévoit une hausse de 4 degrés de la température globale de la planète en 2100, par rapport au début du 20e siècle. En même temps, même si les médias de masse l'évoquent beaucoup moins, on constate des augmentations budgétaires importantes pour le militaire. En France, l'augmentation est de 1,7 milliard d'euros en 2019. 50 sont prévus pour 2025. Alors quand on parle de ressources budgétaires à mettre en œuvre, de restrictions budgétaires, pour satisfaire les demandes sociales, il y a peut-être là encore des économies à faire, plutôt que d'augmenter le budget de l'armée, au contraire. Voilà, augmentation de 7 milliards, avec la priorité donnée aux achats d'armes et au nucléaire aux USA. Alors que dire, encore un petit aparté par rapport à cette déclaration, à cet appel, que bien sûr, on vend des armes pour rentabiliser justement le côté de la recherche militaire, et puis promouvoir une politique d'armement. Eh bien sûr qu'on sait très bien qu'il y a des civils qui sont tués par les armes, les avions et les armes françaises. On dépasse les 716 milliards de dollars en 2019, plus de 100 milliards de plus de 2 ans, aux USA. Trump a déclaré à la tribune de l'ONU que l'armée américaine n'avait jamais été aussi puissante. Un tiers des dépenses militaires mondiales sont réalisées par les USA et les deux tiers par les pays membres de l'OTAN et leurs alliés. On voit quand même que c'est énorme. Énorme, ça sert à quoi ? À rien, quoi. Sinon, à promouvoir une course aux armements. Mais quel est le rapport entre militarisme et climat ? Il est clair pour nous, dit cet appel des associations républicaines des anciens combattants, pour nous que les dirigeants de l'OTAN répondent à la crise écologique en préparant de nouvelles guerres. Les changements climatiques provoquent déjà pour des dizaines de millions de personnes des déplacements de populations fuyant la famine et des guerres pour les ressources naturelles. Rien d'étonnant à cela. L'OTAN a bien mené 2 guerres en Irak en 1991 et 2003, avec entre-temps un embargo qui a conduit à la mort d'un 500 000 d'enfants pour le pétrole. Les prochaines guerres se feront peut-être pour le contrôle de l'eau. Ces milliards déversés dans le complexe militaro-industriel sont eux-mêmes source de pollution gigantesque. L'armée états-unienne est, par exemple, le premier consommateur mondial d'énergie fossile, chiffre de 2016. L'aviation militaire dépense un quart de la consommation mondiale de kérosène. Les guerres tuent les hommes, détruisent leur environnement, et 1% de la surface terrestre et retirer l'agriculture polluée pour l'entraînement des armées. Les milliards dépensés dans le militaire, qui ont quasiment doublé depuis 2001, privent l'humanité de ressources colossales qui pourraient être bien plus utiles pour résoudre ces véritables problèmes, outre la crise climatique qui bouleverse déjà et bouleversera encore davantage l'économie mondiale, routes commerciales, ressources naturelles, la malnutrition qui concernait encore 821 millions de personnes en 2017 contre 804 en 2016, et les pandémies, sida, paludisme, maladies dues à la pollution de l'air et la malbouffe. La pénurie de moyens touchant les services publics, santé, éducation, un quart des budgets militaires seulement pourrait résoudre ces problèmes de l'humanité. Un quart des budgets militaires seulement pourrait résoudre ces problèmes de l'humanité. Il ne pourra donc pas y avoir d'avenir pour la planète, pour la transition écologique, sans transition pacifiste. Les milliards gaspillés dans les armes et les armées doivent servir le bien-être de l'humanité qui ne peut se passer d'une culture de paix. Ce n'est pas une utopie, c'est une nécessité. C'est pourquoi les organisations sanitaires appellent leurs adhérents et au-delà, tous les Vosgiens et les Vosgiennes, à participer massivement au premier état général de la paix à Épinal, la journée du samedi 22 juin 2019, l'espace court. Important à signaler, les organisations signataires s'engagent à porter une participation financière à cet événement, selon leurs possibilités et leurs moyens. 20, 50, 100, 200, 500, 1000 euros. Premier signataire, Mouvement de la paix, Comité des Vosges, Association républicaine des anciens combattants des Vosges. Il y a aussi, je crois, le mouvement pour une alternative non violente qui participe, dans la mesure de leurs moyens, bien entendu. Voilà, et puis il y a une pétition en direction des parlementaires et président de la République et du gouvernement français. La France doit ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires. J'en ai déjà parlé lors d'une chronique précédente. La France n'a pas ratifié le traité d'interdiction des armes nucléaires, contrairement à de nombreux pays. Alors, on peut faire toujours des leçons à l'Iran ou à d'autres pays ou à la Corée du Nord. Nous-mêmes, on n'a pas ratifié le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui est adopté à l'ONU le 7 juillet 2017. Voilà, le monde se manifeste de conclure. Le monde a besoin de paix. La paix a besoin du monde pour soutenir le mouvement de la paix. La RAC des Vosges pour la paix, voilà. Il y a aussi, dans le dépliant, donc un abonnement à Vosges pour la paix. Voilà, je me devais quand même de parler de ça, parce que c'est important. Surtout quand on parle aujourd'hui du climat, qu'on parle de la pollution, etc., etc., puis qu'on consacre des chiffres aussi colossaux pour s'armer, pour détruire des populations, parce que finalement, c'est ce qui existe. Hein. On voit des génocides couramment. Hein. On a beau, le 21e siècle, tout comme le 20e siècle, a commencé ou s'est terminé sur des génocides. Hein. On ne faut pas oublier quand même qu'au Congo, on en parle très peu. Il y a eu à peu près, dans les guerres au Congo, les génocides. Au Congo, il y a eu 5,4 millions de morts. Il y a eu plus d'un million de morts au Soudan. Bon, on pourrait continuer comme ça longtemps, la litanie, hélas, des guerres et des génocides. Mais on continue allègrement. Et on vend des armes pour cela. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.